إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، الليالي والأيام والفصول والأعوام أيام الله وسننه تتعاقب على أهل الدنيا، فسبحان مصرف الشهور ومقلب الدهور، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة والعبرة الغالبة. القلب الحي المؤمن اليقظ يعتبر بما يراه من أيام الله وآياته في كونه وخلقه، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. عباد الله، لقد كان من تعاليم ديننا وحكمه ومما حفظ من نهج السلف الصالح الربط بين أحوال الدنيا وتقلباتها وتصرف أيامها، وبين أحوال الآخرة وعواقب الأعمال، تذكرة وعبرة واستعدادا. عباد الله، ومن ميادين التفكر ومواطن الاعتبار اختلاف الفصول وتعاقبها من صيف وشتاء وربيع وخريف وحر وقر وغيث ودهر. وهذه وقفات اعتبار وتذاكر مع فصول الشتاء في ليله ونهاره وبرده وأمطاره، فقد كان للسلف معه تأملات واستفادات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن الحسن رحمه الله قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. بل لقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن. زاد البيهقي: طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. وحسنه الهيثمي وحسن الأيثمي إسناده. وأخرج الإمام الترمذي في سننه بسنده عن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وهو حديث ثابت بطرق متعددة. ويقول عمر رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. ثم وضح ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه من رياض الأعمال، وينزه قلبه في رياض الأعمال. غنيمة باردة حصلت من غير قتال ولا تعب ولا مشقة، يحوزها صاحبها عفوا بغير كلفة وصفوا من غير عناء. وفي ليل الشتاء الطويل ينال المؤمن حظه من النوم والراحة كما ينال حظه من القيام والعبادة. يقطع الصالحون القانتون ليلهم بالذكر والصلاة، ويتلذذ العابدون القائمون بطول المناجاة، ويعرضون حوائجهم عند ربهم، ويبدون فقرهم بين يدي مولاهم، ويذكرون مساوئهم أمام البر الرحيم عز شأنه وجل جلاله. وكان عبيد بن عمير إذا دخل الشتاء يقول: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. عباد الله، شتان بين من يتلذذون بالتلاوة والذكر والدعاء والمناجاة والصيام والقيام، وبين من يبيت غافلا لاهيا ساهرا ساهيا كأنه قد نسي يوم الحساب. شتان ثم شتان بين أقوام يبيتون لربهم سجدا وقياما، قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يقول تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يتذاكرون بالشتاء زمهرير جهنم. يقول تعالى: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. شتان بينهم وبين أقوام آخرين غافلين، وفي السهر القاتل غارقين، يقطعون الليل الطويل في سمر مهلك، ومشتغلين بما لا يحل من مسموع ومقروء ومشاهد. فيا لحسرة الغافلين، ويا لندامة المقصرين. عباد الله، ومن مواطن العبر وفرض الأمل وفرض الأمل ما أوصى به الفاروق عمر رضي الله عنه ابنه قائلا: وإصباغ الوضوء في اليوم الشاتئ، في اليوم الشاتئ، ذلكم أن إصباغ الوضوء على المكاره مما تحط به الخطايا وترفع به الدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والمكاره شدة البرد وآلام الجسم. بل جاء في حديث مرفوع حسن الإسناد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات، وذكر منها إصباغ الوضوء في السبرات. والسبرات شدة البرد، وإصباغ الوضوء تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم وما يلحق من مشقة. على أن تعلموا رحمكم الله أنه لا مانع من الوضوء بالماء الدافئ وتنشيف الأعضاء بعد الفراغ من الوضوء، بل يباح التيمم إذا خاف على نفسه شدة البرد، فضلا من الله ورحمة وتيسيرا ونعمة. وقد جعل الله كذلك من أحكام الإسلام المسح على الخفين، فهذا من تسهيل شريعتنا السمحة. وفي ذلك جاءت مكاتبة عمر رضي الله عنه ووصاياه لعماله وولاته. إذا حضر الشتاء يقول لهم: إن الشتاء قد حضر وهو عدو لكم، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا، أي مما يلي الأجساد، ودثارا، أي فوق الملابس، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. بل لقد امتن الله على عباده بما يسره من وسائل استدفاء باللباس وغيره، فقال عز شأنه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فتأمل كيف أفرد الدفء، كيف أفرد الدفء بالذكر وخصه بالتنويه مع أنه من جملة المنافع. وقال عز شأنه: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين. عباد الله، ومن مواطن الاعتبار والادكار ما كان يذكر به نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يشتد الحر أو يشتد البرد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أن أتنفس، فأذن لي أتنفس. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فقال صلى الله عليه وسلم: فما وجدتم من برد أو زمهرير من نفس جهنم، وما وجدتم من حر وحرور من نفس جهنم. فشدة برد الدنيا رحمكم الله يذكر بزمهرير جهنم مما يوجب الخوف والحذر والاستعداد. يقول عز شأنه: في نعيم أهل الجنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقال قتادة: علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي، فوقاهم الله آذاهما جميعا، فيدفعهم هذا إلى النصب والتهجد. فكل ما في الدنيا يذكركم بالآخرة. وقال في أهل النار: هذا فليذوقوه حميم وغساق. وقال عز شأنه: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والحميم شدة الحر، والغساق شدة البرد. أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. وكذلك من الأمور الطيبة في الشتاء أن تقل فتنة النساء، لأنهن يلبسن الملابس الكثيرة، فلا ترى من فتنهن في الشوارع إذا خرجن، حتى غير المسلمات وحتى غير المتحجبات تراهن يلبسن الملابس الطويلة والكثيرة حتى يقل من فتن النساء في الشتاء. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله لكم من دنياكم عبرا ومن تقلبات دهركم عظات وفكر، فلا يكاد يمر بالعبد آية أو يقابله موقف إلا وفيه مناسبة لمحاسبة النفس وفرصة للمبادرة للطاعة واستعداد ليوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، préservez-vous d'Allah et sachez que Allah Azza wa Jal, il a créé le jour et la nuit, il a créé l'été et l'hiver, et c'est lui qui fait que se succèdent les jours et les nuits, que se succèdent les années et que se succèdent les saisons, l'été et le printemps et l'automne et l'hiver. Et c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle le temps et qui contrôle les mois et qui contrôle les années. Et c'est lui qui a la sagesse hein, la sagesse immense dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il a créé. Et le croyant, lorsqu'il observe la création d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il observe les jours, les années qui passent, eh bien, il réfléchit, il médite sur les signes que Allah Azza wa Jal a mis dans la création et les leçons qu'il en tire de cette réflexion l'aident à même se rappeler de l'au-delà et de ce qui l'attend dans l'autre vie, dans la vie qui vient après la mort. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran ce qui signifie c'est lui qui fait tourner le jour et la nuit. Et il y a dans cela une leçon pour ceux qui détiennent la raison, pour ceux qui comprennent. Et il dit également ce qui signifie, et c'est lui qui a fait de la nuit et du jour une succession pour celui qui veut se rappeler ou pour celui qui veut être reconnaissant. Et donc il y a dans le fait que Allah Azza wa Jal nous a divisé l'année en différentes saisons, un rappel pour nous. Et par exemple, dans les jours de l'hiver, et en particulier dans les jours de l'hiver, il y a des leçons, et il y a des sagesses, et il y a des bonnes choses pour le croyant s'il médite et s'il réfléchit. Déjà le fait que l'hiver, Allah Azza wa Jal fait mourir la nature et la création, et on voit que les feuilles perdent leurs feuilles, et lorsque revient le printemps, on voit la nature qui renaît. Et tout ça, c'est par là, hein, la permission d'Allah Azza wa Jal. Et ça montre également une leçon pour nous rappeler de la résurrection. Parce que de la même manière qu'il a fait mourir la nature, il l'a fait revivre, et de la même manière qu'il nous fait mourir, eh bien, il va nous faire revivre au jour de la résurrection de la même façon. Donc, il y a en ça une leçon pour nous. De la même manière qu'il fait vivre, il fait mourir, et il fait revivre ce qu'il a fait mourir. Il y a également, dans l'hiver, beaucoup de bienfaits, et nos pieux prédécesseurs parmi les Sahaba et ceux qui les ont suivis parmi les Salafs, ils accueillaient l'hiver de façon chaleureuse, et ils étaient heureux, et ils considéraient que l'hiver était une saison bénie. Malgré le froid, malgré la difficulté qu'il peut y avoir dans cette saison. Et la raison de ça, c'est parce que l'hiver, les nuits sont longues. Alors ils en profitaient pour faire plus de prières durant la nuit. Et les journées sont courtes. Alors ils en profitaient pour faire des jeûnes surérogatoires pendant le jour. Donc puisque la nuit est longue, il y a le temps pour le serviteur de dormir une partie de la nuit et de se lever une partie de la nuit pour faire quelques prières de nuit. Et la prière de la nuit, il y a dans cela une grande bénédiction et un grand bienfait. Et c'est un rappel pour nous. Et donc ça, c'est l'exemple de la façon dont les salafs voyaient la dunya et regardent la vie. Ils voient la dunya comme une occasion pour augmenter les bonnes œuvres et pour augmenter leur capital et leur vrai capital. C'est bien entendu les hasanat qu'ils ont recueillis et qu'ils ont rassemblés. Donc ils préparent et ils utilisent leur dunya pour préparer leur akhira, pour préparer leur au-delà. Donc il y a dans cela un grand bienfait. Et donc les serviteurs, ils profitent de cette période, tandis que ceux qui sont négligents ou ceux qui sont dans l'insouciance, eh bien, malheureusement, ils n'en profitent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, malheureusement, Yanni, eh bien, les insouciants, malheureusement, ils passent leur nuit et leur soirée dans l'insouciance et dans la perte de temps et dans le divertissement et dans les jeux et même parfois dans les choses illicites au lieu de profiter pour lire le Coran et pour faire les prières de nuit et pour le rappel d'Allah et leur journée. Également, ils négligent l'occasion et la chance qu'ils ont, les opportunités qu'ils ont justement de faire plus de hasanat, puisque la journée, elle est très courte, l'aube, elle est tard, et le maghrib, il est très tôt. Donc c'est une occasion en or pour faire beaucoup de bonnes œuvres et pour profiter de cette saison, comme nos salafs le faisaient. Donc profitons de ces occasions-là. Également, il faut savoir qu'il y a aussi une récompense supplémentaire et un pardon aussi pour ceux qui font l'effort de faire leurs ablutions, de faire le wudu pendant l'hiver, malgré le froid. Hein? Et ils auront une récompense pour ça, parce que ça demande un effort supplémentaire. Tandis que lorsque c'est l'été, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Hein? Et également, il y a un bienfait dans le fait de se rappeler des règles de l'islam qui ont été facilitées pour nous. Allah Azza wa Jal nous a également permis, lorsqu'on fait le wudu par exemple, de passer la main sur les chaussettes ou sur les chaussons. Au lieu de retirer nos chaussettes à chaque fois qu'on fait le wudu, eh bien, si on a porté nos chaussettes en état de pureté après avoir lavé nos pieds le matin, et qu'on a rentré nos chaussettes dans nos pieds alors qu'on est en état de wudu, eh bien, on peut continuer à porter ces chaussettes-là toute la journée. Et lorsque on a perdu le wudu, on n'est pas obligé de les retirer. Si on veut faire le wudu, on peut uniquement mouiller la main et la passer sur le dessus du pied, là, le dessus de la chaussette. Et ça, hein, ça fait partie des règles qui nous montrent la facilité de l'islam. Et même que ça fait partie des choses qui ont été confirmées dans la sunna. Certains salafs et certains parmi les ulama l'ont même inclus dans les livres de aqidah. Pourquoi? Parce que les gens de bid'ah, beaucoup de gens parmi les gens de bid'ah n'acceptent pas cette sunna, ou bien ils ne la suivent pas. Donc c'est une des caractéristiques qui distingue Ahl sunnati wal jama'a de ceux qui contredisent. Donc c'est bien important de s'attacher à cette sunna. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans les hadiths que cette religion, elle est facile, et de ne pas la rendre difficile. Et en particulier lorsqu'on est à l'extérieur et qu'on ne peut pas prier par exemple dans la mosquée si on est au travail ou à l'école, il y a dans le fait de passer les mains mouillées sur les chaussettes une facilité pour nous. Il y a également dans l'hiver un rappel pour le châtiment dans l'enfer. Parce que contrairement à ce que certaines personnes s'imaginent, le châtiment de l'enfer, c'est pas seulement du feu qui brûle, mais c'est également un froid qui brûle. Parce que le froid intense, et chacun de nous, si on a vécu un hiver ici, surtout lorsqu'il fait par exemple moins 40, on connaît l'effet du froid sur la peau, et on a la sensation d'une brûlure parfois, parce que le froid est tellement intense. Eh bien, dans l'enfer, il y a ça également. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que l'enfer a dit, il s'est plaint à Allah azza wa jal, et il a dit, « Oh Allah, je commençais à me consumer moi-même, alors permets-moi de souffler. » Alors Allah azza wa jal lui a permis deux souffles. Un souffle l'été et un souffle l'hiver. Et la chaleur intense de l'été vient du souffle de l'enfer durant l'été, et le froid intense de l'hiver, il vient du souffle de l'enfer durant l'hiver. Et donc ça fait partie des châtiments de ceux qui sont en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et une autre chose qui est bénéfique également parmi les règles de l'hiver, ou parmi les choses qui viennent des sagesses qui viennent de l'hiver, c'est que même les femmes qui ne sont pas croyantes, même les femmes qui ne sont pas croyantes ou les femmes qui sont désobéissantes parmi les musulmanes et qui ne se voilent pas islamiquement, eh bien en hiver elles sont obligées de porter des vêtements longs et de couvrir leur parure, de couvrir leur corps lorsqu'elles sortent à l'extérieur, ce qui fait en sorte que la fitna et la tentation, elle est diminuée lorsque les femmes sortent dehors. Et ça, c'est un des bienfaits de l'hiver également. Et ça, tous les croyants sont capables de le percevoir et de le constater. Donc, il faut être reconnaissant. Et aussi, une autre dernière chose, c'est de se rappeler qu'il n'est pas permis pour le croyant de maudire le temps ou de maudire la température. Parce que parfois, les gens, ils oublient que c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle la température et qui contrôle la pluie et qui contrôle le soleil et qui contrôle l'atmosphère et que c'est lui qui dirige tout ce qui se produit dans la création. Donc lorsque quelqu'un dit ah ce maudit temps ou ah ce maudit pays, hein, comme si c'était le pays qui décide la température ou comme si c'était le climat qui se contrôlait de lui-même, non, c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle le temps. Et lorsque vous insultez le temps, vous insultez Allah. Lorsque vous insultez la température, vous insultez Allah Azza wa Jal. Donc faites attention à ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.